Podcast des loulous, épisode 12. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors les petits loups, vous allez bien aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. C'est toi qui pose les questions? Non. C'est tous les jours maintenant alors. Bon, c'est pas grave, de toute façon aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à présenter de spécial? Qui est-ce qu'on va passer aujourd'hui dans les interviews? Maro. Maro qui est dans la classe Deli. Et Maro, elle s'est super bien débrouillée. Et du coup, on a une super interview de Maro. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Allez, on l'écoute? Oui. Bonjour, Deli. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lou. Bonjour, Maro. Comment ça va, la maison? Bien. Bien. Et toi, Maro? Bien. À quelle heure tu te lèves et qu'est-ce que tu fais? À 8h, je fais le petit déj et après je regarde la télé. Les maîtresses sera à 14. Qui c'est qui fait le maître à la maison? Tata. Et c'est un bon maître, Tata? Oui. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? À part travailler? Je joue dehors, des fois, l'après-midi. Hier, j'ai fait de la pâte à modeler maison. Je ne peux pas le manger, par contre. Tu l'as goûté? Oui, j'ai goûté et après j'ai tranché. C'est trop salé, hein? Oui. Et toi, t'as fait quoi, Eli? Bah, ce matin, j'ai fait mes sons comme toi. Avant, on a regardé un peu la télé. J'ai fait le challenge du mercredi. Est-ce que toi, tu l'as fait? On a dessiné plein de fleurs, nous. Merci. On l'a accroché sur mes volets, mais hier, on l'a enlevé pour fermer mes volets. Nous, dans le jardin, sur le grillage, on l'a laissé toute la nuit. Ce matin, ils étaient encore. C'est bien, ça, c'est chouette. Qui avait les dessins? Il y avait Robin, moi, Manon et Tata. Quatre dessins et Inès et Tonton, ils ont oublié. C'est cool de pas être toute seule pour faire ça. On est sept à la maison plus le chien. Le chien, il l'a dessiné? Non, ça n'existe pas. Maro, qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment? C'est mes copains, tu peux. Tu veux leur donner leur passer le bonjour à tes copains? Mon copain. Il faudrait qu'ils mettent moins de devoirs, le mec. Ah oui, faut qu'il en mette beaucoup moins. Et aussi, même, on va être comme ça avec eux, on va cacher. Les devoirs, au moins, on va pas avoir de devoirs. Qu'est-ce que tu vas faire? Cacher les cahiers, tout. Et je vais mettre que mon cartable, mais quand il va voir, je vais dire, j'ai plus rien. Et au moins, on va pas avoir de devoirs. T'es d'accord, toi, Lou? Je suis d'accord. Cool. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Maro? Vous jouez dehors, dans vos jardins? Oui, nous, on fait du vélo sur la terrasse. Ouais. Et nous aussi, mais dans l'herbe. Non mais, papa, avant qu'on en fasse dans l'herbe, faut qu'il tonde la pelouse et qu'il ramasse les crottes du chien. Des fois, moi. T'as entendu, Ellie? Maro, elle participe, elle ramasse les crottes du chien, tu vas les ramasser. Oh non, c'est dégueulasse. Est-ce que t'as un chien? Bah oui. Est-ce que j'ai gros le chien? Nous, on a un husky. Il s'appelle comment? Paillette, c'est fille. Elle était abandonnée. Nous, il a 6 mois, notre chien. Comment il s'appelle? Amarok, loup en inuit. Des fois, on l'attache dehors ou des fois, on le met dans le chenil. Parce que sinon, il se barre chez le voisin. Des fois même, fait pipi dans la maison. Et pareil que notre chien. C'est des fois, on la traite avec une. Est-ce que vous regardez la télé? Ouais, pas de patrouille. La vie! Des fois, regarde, ça parlait de la préhistoire. Ils aimaient bien le foot. Oui, et des fois, regarde, les Sandorman, c'est des super-héros. Salut, Maro! Salut, Maro! Salut! Ouah, ça donne la pêche! Ouais, hein, c'est pas mal, hein? Ouais! Ouais, c'est sympa comme interview, Lou, t'es d'accord? Ouais! Ouais! Bon, qu'est-ce que vous avez à dire d'autre pour aujourd'hui? On a été jouer dehors. Ouais, ça fait du bien d'aller un peu dehors. Ouais. T'es d'accord, Lou? Ouais. Et vous avez fait quoi dehors? Un peu de vélo. C'était bien aujourd'hui, alors? Ouais. On s'ennuie pas en ce moment? Bah non. Bah non. On dit au revoir à tout le monde? Au revoir tout le monde. J'ai encore quelque chose à dire. Oh bah vas-y. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé sur les ronds. J'ai fait des assiettes en rond, la théière de tête est brisée en rond, et j'ai fait du découpage. Et en fait, tout tourne rond alors. Tout tourne rond. Ok, très bien. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À demain. À demain. À demain. Pour l'épisode 13. Non, pour l'épisode 9. Pour l'épisode 9. Il a crié, il dit. Ah oui, il crie dans le micro.